berçait ma vieille pèlerine, comme un berger berce ses moutons. Et les bergères qui l'imaginent, ma vieille pèlerine, t'étais d'un drap à bon marché, d'un bleu lavande un peu passé. Tu m'enveloppais comme une tendresse dans le pic matin de ma jeunesse. T'étais pâtissé par Boussac, j'ai même pas une photo Kodak pour leur faire voir comment j'étais. Quand tu m'emmitouflais, ma vieille pèlerine, ma vieille pèlerine. À l'âge où l'on roule en scooter, moi j'enfourchais ma vieille bécane, une Pajojo, une Cavalier, d'avoir le guidon en oreille d'âne, ma vieille bécane. T'étais d'un acier d'à peu près, avec de la rouille dans les trous de nez. Tu promettais des découvertes au bout de la rue à peine ouverte, sur les miracles du goudron où se traînaient les petits garçons qu'on ne lavait que le samedi soir. Encore fallait-il être bien loin, ma vieille bécane. Ma vieille bécane, à l'âge où l'on fait des béguins, sans que ça vous coûte le moindre sou, moi je caressais le petit lapin que je trouvais à mes rendez-vous. Mon petit lapin, t'étais tout gris comme l'illusion, quand l'illusion a changé de nom. Et qu'elle s'allume comme une tristesse sous la vérité qui nous blesse. T'avais même pas de quoi réchauffer mon petit cœur qui battait le pavé. Ni rien, ni serment, ni blasphème, ni rien, nul espoir, et pas même ma vieille pèlerine, ma vieille pèlerine.